Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. C'est la chronique de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini avec notre ami William Bussier. Salut William. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. William, parle-moi des matchs cette semaine dans l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Dans le fond, pour les matchs de la semaine passée, notre équipe U10A a gagné 3-2 contre Saint-Félicien et notre équipe féminine a gagné 7-0 contre Saint-Ambroise. OK, il n'y avait pas beaucoup de matchs? Non, il n'y avait pas beaucoup. Par exemple, cette semaine, il y a un gros match qui s'est déroulé, puis il y en a aussi ce soir, mais pour eux autres qui se sont déroulés au début de la semaine, il y a notre équipe U12-1 qui ont gagné 3-2 contre Chambord, ou il y a notre équipe U12-2 qui a perdu, par exemple, contre Saint-Félicien 5-2. Aussi, il y a notre équipe féminine U12 qui a gagné 2-1 versus Saint-Amboise. Puis notre équipe U14 a perdu 5-3 versus le Boréal d'Alma. Et notre senior féminin qui a gagné 2-0 contre Saint-Félicien. Donc, ça va assez bien pareil. Ce soir, il y a d'autres matchs au Parc Lyon et un peu partout dans la région, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce soir, il y a le U10A qui joue contre Robertval à Dolbeau. Notre équipe U10-1 qui joue contre Robertval. Puis notre équipe féminine U10 féminin qui joue à Saint-Félicien. Contre Saint-Félicien. Bon. Fait que ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, c'est pas mal ça. OK, donc on s'en reparle la semaine prochaine. Donc, William Bussière qui nous parlait de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini.